les plages sans nos lyres bleus. Pourquoi donc un tel jeu? Le vent chante sans refrain, des voiles qui s'étirent loin. Le passe archipel fait du bruit, mais les réservations fuient. Oh, les îles de la Madeleine, reviens craquer nos antennes. Le passe nous éloigne peut-être, le vent va-t-il nous faire renaître? Peut-être le vent va-t-il nous faire renaître.